quatrième et dernier temps de notre série sur l'histoire des homosexualités. Ce matin, le documentaire, un documentaire sur la naissance d'un quartier gay, le Marais à Paris. Quel merveilleux lapsus, le Marais à Paris bien entendu. Après avoir expliqué comment les termes d'hétéro et d'homosexualité sont difficiles voire impossibles à appliquer à la Grèce antique, puis mardi nous être intéressés aux archives LGBT et hier avoir interrogé la relation entre colonisation et homosexualité, ce matin le documentaire de Franck Thoraval et de Thomas Duterre s'interroge sur une naissance ou une renaissance, celle d'un quartier, le Marais à Paris, qui à la fin des années 70 n'était pas encore le quartier gay qu'il est devenu dans les années 80. Le documentaire de ce matin s'attache en effet à décrire précisément les raisons pour lesquelles, après les bars clos de la rue Sainte-Anne à Paris, eh bien ce déplacement des lieux de nuit homosexuels à Paris a correspondu à la fin de l'invisibilisation des gays dans l'espace public. Il le fait ce documentaire en compagnie de 5 intervenants qui ont connu justement cette profonde transformation de ce quartier derrière Beaubourg. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Voilà, on rentre dans la cour du 5 bis rue des Audriettes. Donc on a deux cours. Beaucoup de cours avaient cette configuration. C'est-à-dire, on y trouvait un atelier comme ça, avec une structure en fer et verrière. C'était un quartier pas très habité. Il devait y avoir une population assez âgé. Peter Berthoud. Très, très vétuste. Toutes les cours avaient été transformées en ateliers. Donc, à partir de 18h, les ateliers fermés, donc c'était vide. Et c'était des ateliers de travail de métaux, ça devait dater de plus d'un siècle, dont l'activité commençait à péricliter. Donc, c'était pas très fréquenté. L'éclairage public était quasiment inexistant. Les immeubles, les façades, elles étaient les crades, tu vois. La nuit m'apportait ce que je voyais pas le jour. La visite de l'architecture et du patrimoine parisien. Regarde un peu ce beau garçon. Je voudrais bien connaître son nom. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Crois-tu qu'il m'a remarqué? Crois-tu qu'il aimerait m'embrasser? Oh, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh, pourrais-tu m'expliquer? On dirait qu'il m'a pas remarqué. Oh, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh, les bars français que j'ai fréquenté donc dans les années 60, c'était des bars qui étaient discrets, fermés sur l'extérieur. On ne voyait pas ce qui s'y passait. C'était d'ailleurs la condition pour qu'on y entre en toute quiétude. Daniel Defer. Ensuite, c'était des bars dont les prix étaient un peu supérieurs aux autres bars, donc une sélection de la clientèle. On était assez fiers d'être entre soi, donc une clientèle, je dirais, un petit peu plus bourgeoise que le Marais aujourd'hui. Avec, en plus, je dirais, une érotisation de la différence sociale. Entre les âges, les statuts, tout ça, il y avait un certain snobisme affiché. Les gens étaient assez élégants. Moi, la première fois, je suis venu à Saint-Germain-des-Prés, c'était, je passais l'oral de Normale Sup, et il se trouve que mes parents avaient des amis qui habitaient rue de Lille, juste au-dessus de chez Lacan, d'ailleurs. Donc, j'étais à deux pas du Flore, je vais au Flore, et première chose que je vois, c'est un camion qui raflait les gigolos, qui étaient pléthores dans le quartier. Il y avait une espèce de politesse, mais de rituel d'embarquement. Et on a su après, très vite, que les embarquements étaient très liés à la concurrence que se faisaient les bars entre eux. Hein, quand un bar commençait à faire des prix inférieurs aux autres, ben, finalement, il était signalé à la police et on embarquait plutôt les gens qui allaient dans ce bar-là. Donc, c'était un milieu, je dirais, assez compromis entre économie et police. Les pionniers du Gay Marais, Franck Thoraval et Thomas Duter. Dans le cas d'une association qui s'appelle Paris Gay Village, nous essayons de raconter la sociabilité des gays, l'histoire des gays dans la ville, depuis la période où on connaît un peu l'existence des homosexuels. Hervé Latapie. Donc, on a une visite à Montmartre, on a une visite pour les années 30, on a une visite à Saint-Germain-des-Prés pour l'après-guerre, on a une visite qui retrace aussi ce qui s'est passé fin des années 70, début des années 80, où on a eu un transfert du centre de la vie gay qui est passé de la rue Sainte-Anne au Marais, en passant par les Halles. Qu'est-ce qu'il y avait rue Sainte-Anne ? Il y avait des établissements qui étaient fermés, qui avaient un Judas qui était très discret, et il fallait sonner, quelqu'un ouvre le Judas, regarde qui c'est, qui est là, et on entre, quoi. Et c'était donc la sociabilité de l'entre-soi, où on est dans un établissement qui nous protège de l'extérieur, qui nous protège de l'homophobie. On peut arriver, on peut faire les folles, on est entre nous, et on s'amuse comme ça, et on est protégé de l'extérieur. La rue Sainte-Anne, je crois que c'est l'écrivain Yves Navarre qui parlait d'une sociabilité chic-pouf, je ne sais plus quelle expression il avait, planqué chic en quelque sorte. C'est-à-dire que c'était des établissements qui étaient chers, qui étaient à la mode, où il y avait une sélection à l'entrée. Alors il y avait de la prostitution dans la rue, c'était des établissements qui étaient ouverts uniquement la nuit, et les militants des années 70 n'aimaient pas la rue Sainte-Anne. Ils ont même fait une manifestation contre la rue Sainte-Anne parce que c'était trop chic, c'était payant, c'était le ghetto commercial. Et donc effectivement, ce qui va se passer dans le Marais, c'est une démocratisation avec une volonté, pas forcément politique, mais en tout cas, j'allais dire sociétale, quoi. Parce qu'on va voir que les gens qui ont lancé le Marais n'étaient pas forcément des militants, mais ils l'ont été sans le savoir en quelque sorte. Je me suis installé à Paris au début des années 80, c'est-à-dire 82. Mon premier logement était Place des Innocents, donc le quartier des Halles. Les travaux du quartier des Halles n'étaient pas terminés. Il y avait encore une partie du trou. Et l'activité qui était mon activité, mon intérêt pour l'art contemporain, se passait dans ce quartier. Donc d'une part, avec le centre Pompidou, bien sûr, et d'autre part, rue Quincampoix, puisque des galeries s'étaient installées rue Saint-Martin et rue Quincampoix. La rue du Renard et rue Beaubourg est vraiment la barrière entre ce quartier des Halles et le quartier du Marais. Et la rue Michel-Lecomte, en toute logique, et le prolongement, était l'entrée pour aller dans le Marais. Le Marais où il n'y avait pas encore de galerie. Hein. Pour moi, la différence, c'est que les Halles, c'était ma vie diurne, et dans le Marais, c'était pour la vie nocturne. Les Halles, c'était un grand espace ouvert. En plus, j'habitais au 6e étage, Place des Innocents, donc je voyais Saint-Eustache, je dominais tout. Et pour moi, le Marais était un espace fermé, obscur, et donc celui de la nuit, avec des petites rues. Et surtout, ce qui me frappait, c'est que c'était particulièrement sale. En décembre 78, c'est quoi, vous, Joël Leroux, votre situation personnelle ? Bon, j'ai 35-36 ans, je travaille, je suis contrôleur de gestion dans une entreprise, je sors énormément la nuit, et puis avec un ami de mon âge, un inspecteur des impôts, on s'ennuyait volontiers dans nos boulots, et surtout c'était une espèce de schizophrénie entre le travail et puis la vie qui nous occupait vraiment, c'est-à-dire la vie le soir. Et à un certain moment de nos vies, on s'est dit, bon, au lieu de nous ennuyer dans nos boulots, dans nos bureaux, essayons de concilier notre vie véritable en ayant une activité qui corresponde au meilleur moment de la nuit. Et puis aussi, on avait voyagé un petit peu, on était allé à Amsterdam, lui était allé à New York. On avait vu qu'il y avait dans ces capitales des endroits où les gays étaient beaucoup plus libres qu'à Paris et qu'il y avait des bars très sympathiques, beaucoup plus libres, pas chers. Et puis donc, nous est venu l'idée d'acheter un petit fonds de commerce et d'en faire un bar. Voilà, on s'est improvisé barman comme ça pour rompre avec l'ennui de nos vies. J'avais 20 ans, nous étions en 1979, et j'étais allé dans ce célèbre café-théâtre qui est le Café de la Gare, où j'avais vu un spectacle merveilleux avec Romain Bouteille, enfin toute l'équipe historique, quoi. Et je sors, et c'était un dimanche vers 17h, comme ça, quoi. Et qu'est-ce que je vois dans cette rue, vous voyez, cette toute petite rue là qui est rien du tout, qui s'appelle la rue du Plâtre, je vois un groupe, une espèce de masse de personnes. Et d'ici quand même, j'ai l'œil, parce que quand même, je suis jeune, mais je commence déjà à être un petit peu à l'affût, et je repère d'ici, d'abord il n'y avait que des hommes, il y avait des hommes habillés en cuir, il y avait des hommes habillés bizarrement, et ça faisait beaucoup de bruit, ils avaient l'air de beaucoup s'amuser, et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon ben allez, maintenant, on y va, j'y vais, et j'ai le courage d'y aller. Notre idée, c'était de proposer un endroit banal, où lorsqu'on sort du travail, on n'a pas besoin de se défringuer, être différent de ce que l'on est, pouvoir rentrer dans un endroit, payer son verre le même prix que le petit café qui est à côté, petit café de quartier, avec des prix minuscules. Donc, un endroit qui rapproche les gens, parce que c'est le quotidien. Voilà, on voulait absolument avoir le quotidien, rien faire d'exceptionnel. Pourquoi la rue du Plâtre? La rue du Plâtre. Parce que c'est une petite rue un peu anonyme, avec un petit café à acheter pas cher, et un plan économique, mais en fait c'est une raison qui appartient à toutes les décisions, donc ce n'est pas une raison. Les raisons, c'est la proximité du centre Pompidou. Le centre Pompidou était un bâtiment qui nous plaisait énormément, qui nous excitait, comme un arc-en-ciel dans Paris. Et surtout, à cette époque, le quartier était encore très gris, un peu défait. Il y avait le Forum des Halles qui se construisait. Il promettait d'attirer énormément de monde, rive droite. Il y avait le BHV, pas loin, parce que le BHV, il y a un sous-sol bricolage très intéressant. Un lieu de drague assez drôle aussi. En ce temps-là. Et puis la Seine. La Seine est tout à côté. C'est magnifique d'habiter près de la Seine. C'était qui? C'était Catherine Lara qui habitait au-dessus, non? C'était qui habitait au-dessus? Je l'ai noté quelque part. Mais... Alors il y avait une vedette lesbienne de l'époque, je crois que c'était Catherine Lara, il faut que je vérifie, qui habitait dans la rue, et elle avait une Mercedes blanche. Et alors, elle était toujours garée là, et alors on était toujours des gens... Parce que, bon, il y avait des voitures qui étaient garées, hein, et alors on servait des voitures pour mettre les verres, enfin bon. On va aller voir ce que c'était ce tout petit lieu. Le premier bar gay du quartier. Le village. Ils ont acheté le bail commercial pour une bouchée de pain, et comme ils sortaient beaucoup... Ils avaient plein de copains, ils sont venus, et de toute façon, ils ont été dépassés par leur succès. C'est-à-dire que très vite, donc, il n'y avait plus de mobilier, parce qu'on virait tout à l'heure de l'apéro pour que tout le monde rentre. Les gens étaient dans la rue. Très vite, ils ont vendu Guépier, le journal Gay de l'époque, qui venait juste de paraître parce qu'ils ont ouvert en décembre 78. Les militants, le QR à l'époque, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, venaient porter des tracts. Quand il y avait quelque chose, ben, les gens venaient se retrouver là. Donc c'est là où ça a été un lieu, un espèce de lieu militant avant les centres LGBT. Il faut bien voir que c'est la fin des années 70. Les années 70, c'est une période de militants. Il y avait plein de choses qui se passaient à Paris. Il y avait des comités homosexuels d'arrondissement. Moi, j'ai même rencontré quelqu'un qui était un Marocain, qui était dans un groupe d'homosexuels immigrés à l'époque. Les années 70, quand même, il y avait plein de choses, quoi. Et donc, voilà, c'est cette effervescence qu'on va retrouver dans les premiers établissements, et notamment celui-ci, les premiers établissements du Marais. Au village, on vendait le Guépier. On connaissait les gens du Guépier. On est très vite avec Jean Lebitou, le rédacteur en chef. Et déjà, les associations étaient déjà au village. Et justement, les associations trouvaient ça très très bien parce qu'elles pouvaient rentrer sans problème, distribuer leurs publications, discuter avec les gens. C'est quelque chose qu'elles ne pouvaient pas faire dans les endroits dont on a parlé, les boîtes, les choses comme ça, exclues. Donc, quand on me demandait l'autorisation de se rassembler, je l'accordais. Je trouvais que c'était très bien pour le bénéfice du bar et pour le bénéfice des assos et pour le bénéfice de tout le monde. Oui, c'était très bien. Au départ, tout est très discret, parce que nous arrivons, on donne un coup de peinture, on s'installe, on ne connaît pas les riverains, la rue est toute petite. Et puis très vite, c'est le succès, parce que nous sommes en rupture, parce qu'on n'a jamais vu ça, parce qu'on peut venir dans un endroit banal, et puis être tout de suite de rentrer dans le réel, comme ça, avec quelqu'un. Bien. Et puis un afflux d'une population gay qui stupéfait le voisinage. Un petit bar de quartier qui faisait un plat du jour et puis qui se retrouve avec une centaine ou 150 personnes le week-end dans la rue. Très vite une pétition de rue. Pétition de rue qui ajoute à notre popularité, bien sûr. Donc on a à peu près entre 60 et 80 signatures contre nous, qui dénoncent le bruit, l'attitude des gens. Alors, nous sommes pleins d'énergie et d'enthousiasme, et nous faisons une contre-pétition de rue. Nous allons voir les mêmes personnes qui avaient signé contre nous, et nous les faisons signer pour nous. Et très gentiment, ils signent une pétition en notre faveur. C'est ça, les pétitions de rue. On était dépassé par la population. Et comme personne ne s'installait autour de nous, on a décidé d'investir et d'acheter un autre bar afin de fabriquer notre propre concurrence. Tout était prévu dans le projet initial. On avait même créé notre concurrence. C'est en 84 que mon associé décide de quitter l'activité et vend le village. Et je reste tout seul avec le duplex. Et avec un concours de circonstances un peu bizarre, on s'est retrouvé avec deux clientèles distinctes, une qui se reconnaissait dans le village et d'autres au duplex. Celle qui se reconnaissait au duplex était plus jeune et, petit détail, mais qui avait tellement d'influence à cette époque, ne portait pas de moustache. Et ceux qui avaient des moustaches se sont reconnus dans le village, ceux qui n'en avaient pas au duplex. Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets. l'endroit où j'allais être, c'était le duplex. Peter Berthoud. Je suis venu la première fois au duplex le lendemain de l'ouverture. C'était une esthétique qui était très courante à l'époque, qui était complètement grise et grillagée. Donc une lumière assez blafarde. Et au duplex, on avait beaucoup de chance. Donc d'une part, on avait Joël, bien sûr, et Carlos, grand amateur de musique. Et Carlos nous faisait des programmes extraordinaires. Et ce qui était extraordinaire, c'était derrière le bar, sur l'arrière du bar, de voir tous les disques et surtout les cassettes que préparait Carlos. Et les gars qui allaient au duplex, c'était plutôt un peu New Wave, c'était l'époque de la New Wave. Et donc on commençait à écouter Simple Minds, U2 et New Order, et puis les autres tubes. J'allais tous les après-midi, ou très très souvent l'après-midi, aux Tuileries. Marc Sabatier. Ça draguait aux Tuileries comme c'était fou. Et en général, vers 18h, les gens s'en allaient et tout. Et il y avait, je sais pas, peut-être un tiers des gens qui étaient aux Tuileries qui disaient « on va au duplex ». Je suis tombé complètement fou dingue du duplex. Parce que ben, on y voyait tout le monde. On y voyait des gens qu'on n'aurait vu nulle part ailleurs et qui ne seraient jamais allés en boîte, qui ne seraient jamais allés dans un bar de nuit parce que monstrueusement trop cher, tout. De la bonne musique, des gens parfois extrêmement intéressants. Oui, c'était je sais pas, pour moi, c'était devenu très vite. C'était évident. La rue Michel Lecomte, à cette époque, en 1980, elle est sinistrée. C'était une rue sans intérêt. L'aspect est triste. Je ne sais pas si la loi Malraux est passée dans cette rue, mais les immeubles semblent encore très noirs, très gris, il n'y a rien. Il y a des grandes structures en bois qui soutiennent un immeuble qui va peut-être s'effondrer. Ces structures de bois débordent sur la chaussée même, c'est très curieux, les voitures doivent contourner. En face, il y a l'hôtel Dalville. L'architecte, c'est Ledoux. Nicolas Ledoux, grand architecte du XVIIIe siècle, mais cet hôtel est occupé depuis la Révolution ou après la Révolution par divers métiers. Quand on arrive, c'est une fonderie d'or. Incorporé dans la façade de l'hôtel, il y a des boutiques. Il y a deux boutiques de chaque côté du portail, dont une qui est occupée peut-être par la dernière représentante de ce métier. C'est une repasseuse. Donc elle a un grand fourneau avec des fers qui chauffent en permanence autour du fourneau et elle repasse le linge qu'on lui apporte. Elle se fait appeler Blondie parce qu'elle est blonde. Ah oui, c'était quelqu'un, c'était extraordinaire de voir, justement, de voir toute la communauté, tous les groupes homo possibles et imaginables, tout faire la fête, de tout. Ça ne lui a certainement pas échappé les quelques célébrités qui passaient pour rigoler. Et elle, c'était une titi parisienne. Ricaine, ça. Puis elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Franchement, elle décidait de gueuler. Et tout. Ah, mais tu vas pas nous faire chier, toi, la pédale en face. Gueularde, mais adorable. Elle voyait tout. Elle voyait tout parce qu'elle avait sa chambre au-dessus de son atelier de repassage. Et donc pour elle, c'était pas compliqué. C'était une toute petite fenêtre. Mais pas besoin de regarder la télé, hein. Il suffit de regarder le duplex. Temple face à un bâtiment qui était un bar qui s'appelait Le Central, qui était un bar un peu particulier parce que c'était un hôtel aussi. Hervé Latapie. L'hôtel, c'est quelque chose d'un peu marginal parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chambres. Le patron de cet immeuble, il était d'origine irlandaise. Il avait la vision plus communautariste parce qu'il était issu d'un pays qui était plus communautariste, quoi. Donc il a voulu ouvrir un hôtel gay, mais à Paris, à ma connaissance, c'est le seul hôtel qui a fait cet hôtel donc strictement gay, qui était un tout petit hôtel, avec très peu de chambres. Et là, on arrive à la question un peu centrale qui démarre, c'est-à-dire le ghetto. Est-ce que donc on entre dans un ghetto? Et c'est ça la question. Évidemment, c'est pas le ghetto juif de Venise, où c'est fermé le soir, on est obligé d'y être, etc. Non, c'est pas ça. C'est le ghetto au sens sociologique américain, c'est-à-dire c'est une minorité qui s'installe quelque part et qui crée un environnement, qui crée des services dans lesquels les gens vont se sentir à l'aise, tranquilles, et vont pouvoir vivre enfin tranquilles, quoi. Alors, rue Sainte-Anne, c'était des lieux qui étaient complètement fermés, qui étaient fermés d'extérieur, qui n'existaient que la nuit. Bon, ici, non, ici, c'est des lieux comme les autres. Et il va y en avoir comme ça un certain nombre qui vont ouvrir. Avril 81. 7 à 8 000 personnes ont défilé pour réclamer la liberté et la tolérance pour les homosexuels. L'un des organisateurs, Gérard Bague, a expliqué au micro de Jacques Esnou quels étaient les principaux obstacles qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie de tous les jours. La différence de la situation d'un homosexuel par rapport à une autre minorité sociale, c'est que si l'on est noir, si l'on est juif, on a le soutien de sa famille. Malheureusement, quand on est homosexuel, dans la plupart des familles, on ne peut même pas le dire à sa famille. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Ne pensez pas à ces gens heureux. Ne pensez pas que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, de tout à fait inhabituel. Ils se mettent à danser et parce qu'ils ont espoir. Autre chose, quelque chose de nouveau qui va peut-être se passer. C'est la première fois que je vois Paris comme ça. Les gens qui se parlent, qui sourient, qui s'embrassent. J'avoue que je suis très surpris, même un peu ému d'ailleurs. Regarde, quelque chose a changé. L'air semble plus léger. C'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé. C'est indéfinissable. Mai 80, ah, je vous assure, alors moi j'y étais, c'était une espèce de fête, mais chez les gays, qui était complètement délirante, quoi. Pendant tout le mois de mai, le mois de juin, tout l'été 81, on a fait la fête, on se sentait plus, quoi. Moi, je me rappelle, le soir du 10 mai 81, place de la Bastille, on disait un ministre à la condition gay, on s'embrassait. Donc, changer la vie, le slogan de François Mitterrand, on y croyait. Tout ça, ça arrive au même moment. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi on vient en Canozinc, ben, il suffit d'entendre. Vous êtes contents d'être là? Ouais! Oh, c'est parti! J'adore ces lieux, un peu curieux, franchement marrant, et très dans le vent. Moi, je suis dingue, dingue, dingue, Canozinc. Le piano zingue en juin 81, le swing en 83, la librairie des bois à la bouche en 83. C'est dans le marais le plus génial des cabarets. Oui, je suis dingue, dingue, dingue de ce bassin. Je suis partout, tout, tout de ce bistrot. Dans la bouquet, la rue tournelle, moi, la musique, un citonique, café, concert pour un dioxyde et les vieux airs. C'est la buvette, c'est la brassine, les jeunes starlets, les petits génies, le caboulot, les sopranos. Si vous avez envie de raconter une chanson que le vent vous a dit, soit le vent du nord, le vent de Brest, ou je ne sais pas d'où, vous venez au piano zinc. Parfois, le vent nous amène des très bons chanteurs. Il y a un garçon qui vient même de New York. C'est un lieu qui a été ouvert par Jürgen, qui était d'origine allemande. et qui a fait un lieu où on venait, un lieu assez extraordinaire parce qu'on venait chanter. Hervé Latapie. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il y avait un petit bar, tout petit, hein, tout était tout petit, hein, un petit bar en rez-de-chaussée. On descendait par les escaliers, il y avait une pièce, un premier sous-sol, il y avait un piano dans un coin, et un deuxième sous-sol. Et dans ce sous-sol où il y avait un piano, le principe, c'était qu'on chantait. Donc, on pouvait venir à 10h du soir, il y avait le pianiste qui était là, on pouvait répéter avec lui, et après, à partir de 11h du soir, ça se passait la nuit, hein, voilà. C'est intéressant parce que c'est un établissement qui est un peu à mi-chemin entre le Marais qu'il va y avoir après et la rue Sainte-Anne. Parce que c'est un établissement qui avait une devanture assez, qui était un peu fermée, qui ça se passait plutôt à l'intérieur, quoi. Et d'ailleurs, après, quand il y aura les terrasses qui vont ouvrir, il va en subir les conséquences et la concurrence, quoi. Alors, c'est un lieu où, alors bon, il y avait une personnalité qui le tenait, qui chantait. Il y a eu un tas de gens, les serveurs qui étaient là, ils chantaient aussi. Et Likaku était passé par là. Enfin, il y avait aussi des vedettes qui passaient par là, qui passaient chanter. Quand il y avait des comédies musicales à Paris, ben, les troupes venaient après là, quoi. Alors, on était tous serrés. Et alors, bon, c'était vraiment très rigolo. Alors, tout le monde se connaissait. C'était vraiment très, très, très agréable, quoi. Et il y avait tout le temps de l'ambiance. Ben oui, parce que voilà, le lieu gay qui fonctionne, en fait, c'est un lieu qui est petit et qui est plein de monde. Voilà, on aime le côté. C'est pas la promiscuité, c'est la chaleur d'être tous ensemble, les uns avec les autres, quoi. Ça, c'est pas un lieu sexuel, hein. C'est un lieu où on se rencontre, etc. Mais c'est un lieu où on fait un truc, on chante. De la même façon que la littérature, c'est important pour les gays, la chanson, c'est très important pour les gays. Il y a le sentiment, l'intuition que quelque chose est en train de vraiment basculer. À partir de 82, ça se dessine. Parce qu'il y a le central qui fonctionne bien. Ça, je ne peux pas vraiment y répondre. Il n'y a pas cette préméditation. Au départ, on ne va pas créer un quartier gay quand on s'installe comme ça. Nos prétentions étaient beaucoup plus modestes. C'est à partir du moment où on a rencontré dans la rue des couples de filles et de garçons se tenir par la main et s'embrasser. Ça, je crois que c'est vraiment le moment décisif. Le quartier est devenu gay, parce que c'est encore difficile de voir cela ailleurs que dans le 3-4e. On avait dans le quartier des cantines qui étaient tenues par... il y en avait une qui s'appelait, je crois que c'était le Rocher de Cancale, qui était dans une petite rue, là, juste derrière l'hôtel de ville. Le midi, c'était un restaurant ouvrier, toile cirée, etc. C'était deux femmes d'un certain âge. Et le soir, tout d'un coup, elles n'ont eu que des gays. C'est-à-dire que tous ces célibataires, etc., c'était pas cher. C'était ce qu'on appelle les cantines gays. Ben, Mélodine, quelque part, c'était une cantine gay. On venait 3 ou 4 fois par semaine. Enfin, c'était vraiment un lieu où on venait, on avait nos habitudes, on avait nos bars, etc. Bon, il n'y en avait pas tant que ça, des bars, à l'époque, là. Par contre, des restaurants, il y en a toujours eu. Les restaurants n'étaient pas toujours tenus par des gays. Restaurant, c'est un peu différent, hein. Ouvrir un bar, ça a l'air d'être facile. Un restaurant, bon, il faut avoir un cuisinier, etc. Par contre, vous avez le restaurant qui s'appelait le Gay Moulin, qui, lui, il doit dater de cette époque-là. Hein. Et ça, c'est à quelle époque? C'est tout début des années 80, d'accord. En même temps que le début du Marais. Août 82. L'Assemblée nationale a abrogé définitivement aujourd'hui un article du Code pénal discriminatoire pour les homosexuels. Ce texte, en effet, aggravait les peines en cas d'attentat aux mœurs commis sur un mineur si ce délit l'était par une personne du même sexe. Il faut savoir que cette disposition remonte au régime de Vichy et que son abrogation faisait partie des engagements électoraux de M. François Mitterrand. Avec nous sur ce plateau, le secrétaire général de la radio Fréquence Gay, Didier Varro. Alors Didier, je pense que cette décision est d'abord une grande satisfaction pour vous. Absolument, c'est non seulement une grande satisfaction, mais l'impression d'une grande joie, justement, puisqu'après les engagements de François Mitterrand, qui avait déclaré pendant sa campagne électorale que l'homosexualité ne devait plus être considérée comme un délit, c'est une grande victoire, ça n'a pas été sans mal, il faut bien le dire. Il a fallu en passer par cette navette parlementaire, mais aujourd'hui nous sommes tout à fait heureux et nous ne regrettons pas d'avoir soutenu François Mitterrand et le Parti Socialiste. On est ici à un croisement, c'est-à-dire qu'on a juste à côté la rue des Rosiers, qui en quelque sorte est le quartier juif, et là on a donc on démarre avec la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, de l'autre côté avec le quartier gay. Et donc ça a été la confrontation entre les deux lieux. Et le lieu qui a été quand même plus emblématique et problématique, c'est donc le Swing, qui a ouvert en 1983, juste au croisement qui était le bar tabac. Le dernier bar tabac juif du quartier qui a été repris par un Auvergnat gay et qui en fait un établissement gay. En gardant le décor des années 50, c'était assez rigolo quoi, comme truc. Quoi. Alors là, bon oui, là quand même, la communauté juive, ils ont commencé quand même un peu à se dire « Bon là, stop, quoi, hein, faut quand même arrêter là, les gays d'arriver. » D'autant plus qu'il y a eu des petits problèmes à cette époque-là, quand les gays habillés en cuir... avec casquette cuir, bon, ben, c'est vrai que ça rappelait pas de très bons souvenirs aux Juifs, et il y avait quand même un peu des frictions quoi, entre les deux communautés. Quoi. Et tout ça s'est terminé quand il y a eu l'attentat de la rue des Rosiers, où là, il y a eu après des réunions de commerçants, et les gays ont fait connaissance avec les Juifs, et du coup, bon, tout ce monde-là a vécu en bonne compagnie, sans problème. Quoi. Voilà. Tu vois, de la rue des Rosiers. Café tabac, il y a le reste. Il y a encore voilà, tu vois, les vestiges de l'époque, c'est la boîte aux lettres. Parce que comme vous savez, les boîtes aux lettres sont près des bureaux de tabac. Alors, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, Guépier avait fait, au tout début des années 80, le gay métropolitain, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ils avaient refait la carte du métro en rebaptisant chaque station, les rues, etc. Quoi. Et ici, Sainte-Croix de la Bretonnerie, c'était la rue Sainte-Croix de la Pétasserie. Voilà. Bon, voilà. Alors ici, en tout cas, on a un lieu qui est vraiment un lieu emblématique de toute cette époque, très important, qui s'appelle Les Mots à la Bouche, qui est la librairie gay de Paris. Les gens qui ont ouvert cette librairie étaient des anciens militants homosexuels et donc leur projet est issu de cela. Il y en avait un qui était architecte qui s'appelait Yves Clergé et l'autre Jean-Pierre Meillère qui est resté. En 1983, il y a eu une opportunité commerciale et ils sont venus s'installer ici dans le Marais. Ils ont suivi le mouvement. Quoi. Et moi, la bouche, on fait venir quantité de monde. Absolument énorme. De 10h le matin jusqu'à... pendant très longtemps, jusqu'à 20h. Et après, ils m'ont posé la question « Mais pourquoi t'es ouvert jusqu'à minuit ?» C'est à cette heure-là que je vends. Ils ont ouvert jusqu'à 11h. Ils perdent une heure où ils vendraient beaucoup plus. Parce que vous, Marc, vous ouvrez en fait une librairie rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Je suis allé dans le quartier du Marais pour voir une librairie de quelqu'un que je connaissais, mais il la vendait beaucoup trop cher. Et il me dit, mais il y a une autre librairie qui est en vente, une petite boutique, et tout. Il me dit, il vend pas cher, et il vendait ça pour rien. Je me suis dit, si j'achète ça, je peux me faire un stock. Et je vais le voir. Et il m'explique, j'ai décidé de me marier devant ma librairie hier. J'ai dit, mais pourquoi tu pars d'ici? C'est formidable. Mais écoute, il y a les homos là, qui se sont installés à côté. Je suis parti en vacances. Les locaux étaient à vendre et je reviens, c'est une librairie. Ils ne m'ont même pas prévenu, ils ne m'ont même pas dit bonjour. Je m'en vais. Si les homos, c'est comme ça, je me casse. Et donc j'ai pris, parce que pas cher. Quartier homo, mais j'en avais rien à foutre. C'était pas un projet. Mais vraiment pas. J'allais vendre des bouquins d'occasion et des livres anciens si je pouvais en acquérir et avoir une belle librairie. Bon, mais voilà. Donc c'est totalement le hasard. Et le fait d'avoir les mots à la bouche, je me suis dit, bon, ça va plutôt me gêner qu'autre chose, parce qu'on va pas me voir. Mais je pourrais toujours dire, oui, je suis libraire, rue Sainte-Croix dans votre mairie. Ah oui, non, mais je vois très bien. La majorité des gens ont cru que c'était moi, le patron des mots à la bouche, jusqu'à la fin. Et la librairie Les Mots à la Bouche pour les gays, c'était très important parce que on n'avait pas tous les films qu'on a maintenant, hein, on n'avait pas la vidéo, on n'avait pas ça. Et donc le seul accès que l'on avait à la culture homosexuelle, c'était les livres. Alors on ne nous disait pas forcément à l'école qu'il y avait Vautrin dans Balzac, qu'il y avait des personnages homosexuels dans la littérature. Et donc là, par contre, on arrivait là et on avait tous ces bouquins. Donc toutes ces images, toute cette littérature différente, moi j'ai découvert Jean Genet, j'ai découvert un tas de choses quoi. Et donc ça a eu beaucoup de succès de suite parce qu'on venait aller à chercher quelque chose. Et ils vendaient aussi des livres avec des photos érotiques parce que c'est pareil au niveau de l'érotisme, on n'avait rien. On avait une pénurie d'images. Dès le départ, le projet était un projet culturel. Il y avait des débats. Il y avait tous les écrivains qui venaient présenter leur travail. On a vu Yves Navarre qui avait eu le prix Goncourt, les écrivaines lesbiennes. Il y avait Hervé Guibert. Tous les noms importants de l'époque sont passés par les mots à la bouche. C'était notre quartier. C'était le quartier où on sortait. Voilà. On draguait beaucoup. À l'époque, on draguait beaucoup. Hein. La rencontre à l'époque c'était les lieux, d'où leur importance. C'était le côté lieu de convivialité, assez fraternel, on refaisait le monde, voilà. C'était des lieux de ralliement. J'avais mis en vente un document, l'homosexualité israélite, qui était un truc antisémite de la pire espèce. J'avais pris toutes les précautions. Marc Sabatier. Pour marquer aussi. J'avais mis même un papier cristal pour qu'on ne voit pas trop, que ce ne soit pas mis en pleine lumière et tout. Mais j'avais fait une grande fiche explicative en disant document, épouvantable document antisémite, etc. Franchement, j'ai fait plein de fois ça. Et ma vitrine a failli être explosée. Et c'est le rabbin de la rue, juste à côté, qui passait tous les jours et tout, qui a vu ça et qui m'a dit « Oh, vous avez ce document, je vais vous l'acheter. J'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai eu des comptes rendus, je vais vous le prendre et ça va faire partie de la bibliothèque. C'est très important d'avoir une chose pareille. » J'étais ravi qu'il le prenne, que ce soit lui qui le prenne. Mais surtout, j'étais ravi que ça disparaisse. Je me suis dit, je vais pas voir la vitrine qui va exploser. Non, il n'y avait pas vraiment eu de rapprochement. Pourquoi ça a marché le mariage? Bon, parce que pourquoi c'est pas dans un autre quartier? Pourquoi ça s'est passé ici? C'est un quartier qui a été rénové. C'est un quartier historique qui a été rénové avec la loi Malraux. C'est pas encore le cas en 1978. Cette partie-là du Marais. Ça commence quand même. La loi Malraux, c'est milieu des années 60. Hein. Donc si, ça a commencé. Il y a évidemment le nouveau pôle d'animation avec le Centre Pompidou, qui lui a ouvert en 77. Et là, tout d'un coup, il y a des galeries qui sont installées partout. Il y a aussi le fait que c'est un quartier qui est très central. On ne peut pas trouver plus central. C'est un nœud de communication. Il y a la station Léal, qui est quand même le cœur de Paris. Et il y a la place du Châtelet avec un petit détail assez amusant. C'est que c'était le départ des bus de nuit. Il n'y en avait pas autant que maintenant à l'époque, mais il y avait quand même là. Donc on savait que si on traînait et qu'on ratait le métro, ben on avait toujours le bus de nuit qui pouvait nous prendre et que c'était pas loin, c'était là, juste à Châtelet, à l'avenue Victoria, quoi. Juin 83. SIDA, un sigle qui fait déjà frémir aux États-Unis. SIDA comme syndrome d'immunodéficience acquise, c'est le nom d'une nouvelle maladie apparue il y a 3 ans outre-Atlantique et qui aurait déjà fait près de 600 victimes. Le SIDA, qui laisse les chercheurs très perplexes, a la particularité de toucher principalement les homosexuels, les drogués et les personnes de nationalité haïtienne. Une étrange maladie donc qui se traduit par une réduction des défenses de l'organisme et souvent aussi par une certaine forme de cancer de la peau. Du sida, on a seulement pu établir qu'il se transmettait par le sperme et par le sang, d'où l'inquiétude récente qui vient de naître en France. Dans la communauté, on a commencé à en parler 84, 85. Ils ont eu une trouille terrible que tout l'établissement ferme, que les gens disent s'en aillent, etc. quoi. Les premiers à faire de la prévention, c'est le duplex, le piano-zinc, l'organe, ouais. C'est-à-dire les tout premiers. Oui, parce que les pionniers, c'était les pionniers, c'est pas pour rien. Il y avait une démarche, il y avait une éthique. Voilà, il y avait une éthique culturelle et militante, pas forcément militante, mais en tout cas, il y avait une éthique, quoi. Un des fondateurs de AIDE, Frédéric Edelman, habitait au même étage. Moi, j'avais un petit appartement dans l'immeuble du duplex, au 3e étage, et lui, il habitait aussi. Nous étions mitoyens. Joël Leroux. On se connaissait bien, il venait au bar de temps en temps, et dans les discussions... Frédéric Edelman me demande si l'association ne peut pas se réunir comme d'autres associations le font très facilement au duplex. Bien sûr, j'accepte immédiatement parce que c'est plus urgent que n'importe quoi. Donc c'est à partir de 1985 que AIDE fait des réunions au duplex tous les dimanches. Et tous les dimanches, il y a des volontaires de AIDE, ce sont des médecins, ce sont des juristes, ce sont des fonctionnaires qui sont experts dans leur domaine social en général. Et le duplex ouvre dans l'après-midi, on ne met pas de musique, on reçoit les gens, tout se fait pour libérer la parole. Et les malades viennent. Enfin là, les malades peuvent... discuter et peuvent voir d'autres malades et voilà, c'est ainsi que commence la présence de AIDE au duplex. D'emblée, je me suis rendu compte que le milieu gay français qui s'était en train de se constituer depuis 78 autour du Marais sentait le sida comme une menace pour cette communauté et cette économie. Daniel Defer. Une menace économique. Donc, on a commencé dans 2 ou 3 bars du Marais. Bon, alors, le piano-zinc, parce que Jürgen, qui avait en même temps des chanteurs, des acteurs qui venaient, nous a accueillis très généreusement. Puis il y avait un autre bar où il y avait une backroom. On avait envie quand même un peu d'aller dans des endroits où il y avait des pratiques sexuelles. On a commencé à y mettre des préservatifs d'ailleurs. C'était gênant pour les bars parce qu'ils disaient « si vous mettez des préservatifs, on va croire qu'il y a des pratiques sexuelles » alors qu'il y en avait mais qu'il fallait pas que ce soit très très démonstratif. Quoi. Donc on a été dans 2 ou 3 bars mais très vite on s'est rendu compte que les bars où il y avait des pratiques sexuelles il n'y avait plus de pratiques sexuelles à partir du moment où ils ont été informés sur le sida. Et du coup les bars n'avaient pas très envie qu'on y soit et certains ont même fermé. Et... donc on a d'abord été au piano zinc, on a été, puis après on s'est installé pratiquement tous les dimanches au duplex, et on a donc fait du Marais, qui était en train de venir un lieu, je dirais communautaire, même si j'ai toujours des réticences sur notion, mais je pense que c'est le sida qui a créé la communauté. Jusque-là, l'homosexualité était défendue par les homosexuels militants. Les homosexuels militants étaient une minorité. en général des gens jeunes, plutôt beaux garçons, valaient mieux, comme Ockenheim, qui a eu un succès fou parce qu'il était absolument les faibles grecs désirables. Donc, il y avait une minorité urbaine, bourgeoise, cultivée, jeune, qui défendait une visibilité homosexuelle. Et on croyait que les homosexuels, c'était un caprice de jeunesse, quoi. Le sida a révélé des gens qui n'étaient pas militants. Et un nombre considérable de familles ont découvert qu'un fils, un cousin, un voisin était atteint du sida et était homosexuel. Je crois que y a eu là une découverte de l'importance démographique de la situation que le militantisme avait un peu masqué. Et je pense que là, il y a eu, bon, j'avais employé cette expression banale, mais vraie, une communauté de destin a été révélée par le sida, alors qu'avant, c'était une communauté militante restreinte. C'était les pionniers du Guémarais avec Peter Berthoux, Daniel Defer, fondateur de AIDE, Hervé Latapie pour Paris Gay Village, Joël Leroux, propriétaire du village et du duplex, et Marc Sabatier, de la librairie Au-dessous du volcan. Merci à Colin Giraud, auteur de Quartier Gay, à Daniel Templon et Victoire Diderot, et au Centre Gay et Lesbien de Paris. Documentation INA, Marie Chauveau et Stéphanie Place. Prise de son, Florent Lagani. Mixage, Cédric Chatelus. Un documentaire de Franck Toraval, réalisé par Thomas Duterre. Voilà donc pour ce documentaire qui clôt notre série sur l'histoire des homosexualités, un documentaire qui parlait d'un quartier profondément bouleversé dans les années 70 et 80 qui peut-être a été à nouveau bouleversé par une sorte de gentrification depuis ces dernières années. Je vous conseille d'ailleurs de lire la sortie, ça vient tout juste de sortir, le livre de Sarah Schulman sur la gentrification des esprits qui évoque la gentrification de quartiers gays new-yorkais. Ça vient de sortir aux éditions B42. Demain, l'émission d'actualité de la Fabrique de l'Histoire.